n'ai plus l'âge, donnerai tout à ma mère. Tous les jours, je pense qu'aux euros. Je t'assure, y'a rien d'autre qui me rend heureux. Il me faut 2 millions pour ma soeur, il faut 4 millions pour ma mère. Dans ce bas monde, j'ai trop souffert, quand est-ce que je vais souffler? Tous les jours, je dois faire des sous gros. C'est pas la zig qui remplit mon frigo. Tous les jours, je suis boss, t'es là. Tu peux faire des sous, t'as qu'à postuler. On se peine à la menthe, t'es là. On assume tout, quitte à manger le pavé. J'ai toujours pas un dans les poches. Il faut que je protège mes proches. Je suis pas la conseillère, tu prêches. Je tournais à les pieds pêche. Tout va mal. Oh mama, capuche sur Paname. Je me balade. Tout va mal. Je me balade. Capuche sur Paname. Oh mama, tout va mal. Oh mama, capuche sur Paname. Je me balade. Tout va mal. Je me balade. Capuche sur Paname. Tout va mal. Si demain je meurs, qui aura vraiment mal? Si demain je perds, qui me regardera mal? Si ma mère part, je t'assure que tout ira mal. Si ma soeur pleure, je la réconforte dans mes bras. Ah, ah. Je me questionne si j'irai en haut ou en bas. Ah, ah. T'as vendu ta gare, t'as vendu la bœuf, t'as vendu la seule. Des sous trop frais, mais c'est pas assez. Prends j'ai pour ton cœur. Si demain tout va mal, dis-toi que c'est la vie. Un million d'euros à faire. Si demain tout va mal, dis-toi que c'est la vie. Des millions d'euros à perdre, je ne calcule pas les filles. Tout va mal, oh mama, capuche sur Paname. Je me balade, tout va mal. Je me balade, capuche sur Paname. Oh mama, tout va mal. Oh mama, capuche sur Paname. Je me balade, tout va mal. Voilà, tu puches sur Paname. Oh mama, oh mama, je me balade. Tout va mal. Oh mama, capuche sur Paname.